Chapitre 6e. Notre corps ne nous appartient pas aussi complètement que nous semblons le croire. La maison est nôtre, assurément, mais nous n'en sommes pas les seuls occupants. Les esprits de nos ancêtres y reviennent à de certaines heures. Parfois, dans un de nos gestes, dans un éclair de notre physionomie, se révèle la présence de ces mystérieux revenants. Souvent, dit Emerson, notre père ou notre mère ou quelque aïeul plus lointain apparaît tout à coup à la fenêtre de nos yeux. Nos instincts, nos prédilections, nos manies ne sont que les manifestations de la présence d'une grand-mère ou d'un grand-père inconnu. Quelquefois, ces influences familiales sont en conflit, et nous subissons alternativement l'impulsion de forces contraires et tumultueuses. C'est seulement quand une hygiène morale et physique a établi un harmonieux accord entre les différents hôtes du logis que nous pouvons nous dire maîtres de nous-mêmes. En s'enfuyant au milieu de la nuit dans la forêt, Aimé avait inconsciemment obéi à cette humeur vagabonde reçue comme un héritage de sa grand-mère maternelle. C'était le sang violent des filles Noël qui lui avait fait surmonter les terreurs naturelles à son âge et à son sexe et qui lui avait fait oublier tout ce qu'une pareille aventure présentait de hasard et de danger. Quand elle eut gagné la lisière des bois d'Amoret, elle s'arrêta pour reprendre haleine. L'horloge de l'église sonna minuit. Le sang de la jeune fille battait si fort qu'elle entendait le bourdonnement de ses artères entre chaque vibration de la cloche. Un rossignol se mit à chanter, et cette musique printanière lui redonna du courage. Elle s'enfonça hardiment dans le chemin sur lequel, à travers les branches entrecroisées, le clair de lune répandait un semis de taches lumineuses. Mais quand elle eut marché pendant un quart d'heure, la colère passionnée qui lui avait servi d'excitant se refroidit peu à peu. La réflexion vint, amenant avec elle toutes les émotions que peut éprouver une fille de 16 ans errant pour la première fois la nuit dans une grande forêt pleine de ténèbres et de bruits inquiétants. L'esprit audacieux et entreprenant de Sylvine Fenoël s'était évanoui. Aimée était dominée maintenant par certaines prédispositions nerveuses et enfantines. L'âme craintive et superstitieuse de sa mère, l'actrice, s'était réveillée en elle. Le froissement des branches frôlées au passage, l'envolée d'un oisillon réveillé en sursaut, les caprices du sentier qui tantôt blanchissait et tantôt semblait s'enfoncer dans de vagues trous noirs, toutes ces choses la faisaient tressaillir et lui rappelaient les contes effrayants que ses bonnes lui débitaient le soir, les histoires de loups-garous et de brigands qui lui avaient donné jadis de si belles peurs dans son petit lit. Pour comble de malchance, la lune, qui était très bas à l'horizon, s'y enfonça peu à peu. La clarté bleue et diamantée qui ruisselait à travers les feuilles s'éteignit tout à coup comme une lampe dont on baisse la mèche, et la jeune fille se trouva plongée dans les ténèbres. Bientôt le sol que foulaient ses pieds changea de nature. Elle s'aperçut qu'elle avait perdu le chemin et qu'elle s'était fourvoyée en pleine futaie. Elle voulut revenir sur ses pas et ne fit que s'égarer davantage. Incertaine et peureuse, elle se mit alors à marcher droit devant elle, ayant hâte de sortir de cette nuit peuplée de fantômes. Au bout d'une demi-heure, elle atteignit une lisière et vit une large clairière, au fond de laquelle un limpide bruit de source et une nappe flottante de buée blanche indiquaient la place d'un cours d'eau. Dans cette combe profonde, bordée de tous côtés par les bois, le brouillard masquait les accidents de terrain. Aimée n'osait plus avancer. Ses yeux craintifs regardaient avec inquiétude les tiges onduleuses des grands joncs qui émergeaient de la brume et que le vent inclinait doucement. Tout à coup, un phénomène étrange lui fit courir la chair de poule par tout le corps. Ce fut d'abord une vague lueur accompagnée d'un murmure de branches froissées et de grandes herbes foulées. Puis à 20 pas d'elle, dans la blancheur laiteuse du brouillard, une lumière de plus en plus brillante se mit à danser avec de capricieux soubresauts. En même temps, une voix semblable à celle de la chouette commença de piauler sur des tons tantôt aigus et tantôt mélancoliques, et autour du halo dont la vapeur enveloppait ce feu dansant, une nuit d'oiseaux tourbillonna d'une façon fantastique. Aimée n'avait plus une goutte de sang dans les veines. Elle songeait au feu follet, à la grande chasse, à tous les contes de fées et de magiciens dont son enfance avait été bercée, et elle se croyait tombée en pleine sorcellerie. La singulière flamme se rapprochait, continuant sa danse affolée, et toujours plus nombreux les oiseaux tournaient alentour avec un bruit d'ailes palpitantes. La jeune fille perdit la tête et se précipita en avant, afin d'éviter d'être enveloppée dans ce tourbillon ensorcelé. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que le sol se déroba. Une sensation d'eau fraîche lui monta aux jambes. Elle poussa un cri d'effroi, ferma les yeux, et s'évanouit au moment où deux mains robustes la soulevaient sous les bras et la déposaient un peu plus haut sur des touffes de bruyère. « Eh, mon chien !» dit à demi-voix celui qui venait d'empêcher Aimé de glisser dans le ruisseau. « En voilà une affaire !»« C'est une gâchette, une fille, que je viens de repêcher. Apporte ta lanterne. Et une belle gâchette, ma fille !» Le petit garçon qui répondait au nom de mon chien accourut avec sa lanterne et la tint au-dessus de la tête renversée de la jeune fille. La lumière blafarde tombait d'aplomb sur le pâle visage aux longs sourcils noirs et sur le haut de la poitrine enveloppée du plaid à grands carreaux. « Nom d'un petit loup !»« Mais c'est la demoiselle que j'ai conduite l'hiver dernier chez les dames de la poste !» s'écria le grand Justin en regardant Aimé avec plus d'attention. « Notre fouet lui a fait peur et elle est tombée en faiblesse. » Il redescendit vers le ruisseau et en revint avec une poignée de menthe qu'il avait trempée dans l'eau. Il en frotta les tempes, le front et les narines de la jeune fille, qui ouvrit un moment les yeux pour les refermer en frissonnant. « N'ayez point de crainte, mademoiselle, dit le charbonnier. Vous êtes avec des amis. Ne vous souvenez-vous plus du grand Justin qui vous a ramené de l'angre? C'est moi. » Aimé reprenait peu à peu connaissance. Ses lèvres ébauchèrent un faible sourire au nom de Justin. Puis elle se souleva de son lit de bruyère et balbutia. « Où suis-je donc ?»« Dans le creux du Val Clavin, » répondit le jeune homme. « Oh, que j'ai eu peur !» murmura-t-elle. « Il me semblait que j'étais poursuivi par un feu follet. »« C'était mon falot !» reprit le grand Justin en riant. Il lui expliqua qu'il chassait les petits oiseaux à la lanterne. « C'est défendu » ajouta-t-il. « N'en parlez pas, car les gardes nous feraient quelques mauvaises affaires. » En même temps, il lui montrait un filet plein d'oisillons qui était venu se heurter, ébloui, contre les verres du falot et auquel le manchin avait lestement tordu le cou. « Mais vous, mademoiselle, demanda-t-il, vous vous êtes donc égarée? Voulez-vous que je vous reconduise à Auberive ? Non, non !» s'écria-t-elle avec vivacité. Le charbonnier la regardait d'un air étonné. « Je me suis sauvée de chez mes tantes, » reprit-elle un peu confuse. « Je voulais aller à la recherche de quelqu'un qui demeure dans la forêt. » « Connaissez-vous Denis Finoël ?»« Le vieux Finoël du Val d'Amoret ?»« Certainement, » repartit Justin. « Est-ce chez lui que vous alliez ?» Aimé fit un signe affirmatif et s'informa de la distance. « Vous ne pouvez pas vous mettre en route maintenant. Il faut d'abord vous sécher et vous reposer. Essayez de marcher jusqu'à la vente, et demain matin je vous conduirai chez Finoël. » Il l'aida à se lever, le manchin ramassa les oiseaux, éteignit sa lanterne, ils rentrèrent sous bois. Un quart d'heure après, ils atteignirent une futaie en pente douce, où des lueurs rouges et une âcre odeur de fumée indiquaient le campement des charbonniers. Aimé était brisé de fatigue. Le grand Justin étendit à terre des sacs vides près d'un fourneau à demi consumé. Il fit asseoir la jeune fille sur ce lit improvisé, les pieds tournés vers le brasier, la tête appuyée à une botte de fougère sèche et la couvrant de sa limousine. « Là, dit-il, vous serez au chaud. Essayez de dormir un brin. Je resterai près de vous. » tout en soignant mes fourneaux, car c'est mon tour de veiller, et nos gens sont déjà couchés dans la hutte. Elle ne se fit pas prier. Pendant un moment, ses yeux regardèrent vaguement les étoiles qui brillaient entre les branches, puis ses paupières s'alourdirent, et elle s'endormit. Son sommeil fut traversé de rêves étranges. Autour de grands feux flamboyants, elle voyait rassembler tous ses ancêtres, les Finoël. Ils se succédaient lentement auprès des fourneaux. La lueur rougeâtre éclairait leur face énergique aux yeux enfoncés sous de noirs sourcils et leur tête crépue. Elle-même était devenue une charbonnière. Assise près du feu, elle berçait dans son giron un petit enfant. Les ancêtres défilaient gravement devant elle et se penchaient pour sourire aux petits qui jouaient avec des fleurs de coucou. Elle, pendant ce temps, continuait à endormir le marmot en lui chantant d'une voix lente un air rustique. Le grand jour l'éveilla. Elle n'avait pas complètement rêvé. Les fourneaux à forme conique étaient bien réellement là, espacés sous les hêtres. Quelques-uns jetaient de rouges lueurs et fumaient en grondant sourdement. Devant la hutte au toit de motte de gazon, auprès d'un feu de souche au-dessus duquel pendait une marmite exhalant une savoureuse odeur de pommes de terre, une femme encore jeune, aux cheveux épars sur son casaquin, tenait dans son giron un marmot demi-nu et le faisait sauter en chantant à pleine voix une chanson populaire. Aimé, les yeux entr'ouverts, voyait toutes ces choses. Encore à moitié engourdie par le sommeil, elle ne se rendait plus compte du temps ni des événements passés. Le milieu où elle se trouvait remue en elle de secrètes sympathies, de vagues impressions déjà reçues, comme celles que pourrait donner le souvenir confus d'une vie antérieure. « Eh, mademoiselle, avez-vous bien dormi ?» Elle releva la tête et vit au-dessus d'elle le joyeux sourire et les yeux bleus de Justin. « Vous devez avoir grand faim, » ajouta-t-il. « Il faut manger, car nous aurons tout à l'heure un bon bout de chemin à faire. » Il alla prendre dans la marmite des pommes de terre isolées et fendillées qu'il lui apporta et qu'il dévora de bon appétit. Un verre d'eau de source compléta ce déjeuner. Attroupée autour du feu, les charbonniers la regardaient curieusement et souriaient. Quand elle eut fini ce frugal repas et remercié ses hôtes, elle se mit en route avec Justin. Ils descendirent lentement à travers les terres très herbeux qui mamelonnent le bois des fosses. Elle se trouvait heureuse de marcher sous les arbres par cette claire matinée pleine de chants d'oiseaux. Elle humait avidement l'air forestier, regardant d'un œil charmé cette nature fleurie qu'elle n'avait pas revue depuis son départ de Marly, et elle ne songeait plus à ses tentes. Le grand Justin, qui ouvra la marche en se servant de son râteau à charbon comme d'une canne, se retournait de temps à autre pour murmurer un mot d'encouragement à travers un sourire. Quand ils eurent traversé la combe du Val Clavin, ils prirent une longue tranchée bordée de hêtres aux troncs blancs et élancés comme des fûts de colonnes, puis ils arrivèrent à une gorge boisée au fond de laquelle des toits fumaient dans le soleil. Un petit sentier s'enfonçait entre deux haies d'aubépine et s'arrêtait à un coin de pré, à l'angle duquel une maisonnette dressait sa toiture de lave, enguirlandée de lierres et de chèvrefeuilles sauvages. Le grand Justin s'arrêta et montrant la façade grise, percée de deux étroites fenêtres. « Voici la maison du vieux Finrel, »